La ville ouverte et la ville noire se rattachent au fort et sont infiniment plus grandes. Note, la ville noire est cette partie de la cité qu'habite la classe pauvre. On conçoit facilement que ce n'est pas là qu'on doit aller chercher la beauté et la propreté. Fin de note. Dans la ville ouverte, les rues sont très régulières et très larges. Je n'ai rien vu de semblable dans aucune autre ville de l'Inde, et on les arrose souvent. Beaucoup de maisons étaient ornées de colonnes de bois artistement ciselées, de chapiteaux et de galeries. La visite du bazar est très curieuse, non pas à cause des riches marchandises qui y sont étalées, comme le prétendent beaucoup de voyageurs, car on n'en voit pas plus que dans d'autres bazars. On n'y trouve même pas les belles boiseries en mosaïque dans lesquelles Bombay excelle, mais à cause des types différents qui affluent ici plus que partout ailleurs. Les trois quarts se composent, il est vrai, d'hindous, mais le reste offre un mélange varié de mahométans, de persans, d'adorateurs du feu, de marathes, de juifs, d'arabes, de bédouins, de nègres, de descendants de portugais, de quelques centaines d'Européens et même de quelques Chinois et Hottentots. Il faut quelque temps pour distinguer ces diverses races aux costumes et à la physionomie. De toutes les tribus fixées à Bombay, les plus riches sont les adorateurs du feu, appelés aussi Ghebres ou Parsis. Chassés de la Perse il y a environ 1200 ans, ils s'établirent le long de la côte occidentale de l'Inde. Comme ils sont extrêmement laborieux et industrieux, très instruits et très bienfaisants, on ne voit chez eux ni pauvres ni mendiants et tous semblent être à leur aise. Les belles maisons habitées par les Européens appartiennent pour la plupart aux Parsis. Ce sont eux qui possèdent les plus vastes domaines. On les voit se promener dans de superbes équipages et ils sont entourés de nombreux domestiques. Un des plus riches, Jam Seitz Jijeboy, a fait construire de ses propres deniers un bel hôpital en style gothique, où il entretient des médecins européens et où il reçoit des malades de toutes les religions. Nommé chevalier par le gouvernement anglais, cet homme généreux est certainement le premier hindou à qui l'on ait accordé une telle distinction. Puisque je parle des adorateurs du feu, je vais dire tout de suite tout ce que je sais de ces hommes, pour l'avoir vu moi-même ou pour l'avoir entendu raconter par un des plus éclairés et des plus distingués, M. Manukji Kersetji. Les adorateurs du feu croient à un seul être suprême. Ils rendent un culte aux quatre éléments, surtout au feu et au soleil, parce qu'ils se les représentent comme émanation de l'être suprême. Ils tâchent d'assister tous les matins au lever du soleil. Ils sortent des maisons, souvent même de la ville, pour saluer cet astre de leur prière. Indépendamment des éléments, les vaches leur sont encore sacrées. Peu de temps après mon arrivée, j'allais un matin me promener sur les esplanades, dans l'intention d'y voir, suivant les relations que j'avais lues, cette masse de Parsis. On n'en compte en tout que 6000 dans toute l'île de Bombay, qui s'y assemblent pour attendre le premier rayon du soleil et qui, lors de son apparition, se prosterne comme à un signal donné et pousse de grands cris de joie. Je vis bien plusieurs Parsis, mais non pas en groupe. Par-ci, par-là, il y en avait qui se tenaient isolés, lisaient des yeux dans un livre ou bien récitaient tout bas quelques prières. Ils n'arrivèrent pas non plus tous à la fois. Il en vint encore plusieurs à 9 heures. Il en fut de même des cadavres qui, à ce qu'on m'avait dit, devaient être livrés sur les toits aux bêtes de proie. Je n'en vis pas un seul. À Calcutta, un monsieur V, revenu depuis peu de Bombay, m'avait assuré en avoir vu plusieurs. Je ne pouvais me figurer que le gouvernement anglais autorisa une coutume aussi barbare et aussi contraire à la salubrité publique. Mais jusqu'à preuve du contraire, il fallut bien ajouter foi à ce récit. Aussi, quand j'eus fait la connaissance de M. Manoukji, la première question que je lui adressai fut pour lui demander comment les Parsis enterraient leurs morts. Il me conduisit à une colline en dehors de la ville et me montra un mur de 8 mètres de haut qui renfermait un espace d'environ 20 mètres de circonférence. « Dans cette enceinte, disait-il, on a élevé une grande bière, divisée en 4 compartiments, et, à côté, on a creusé une grande fosse. Les corps sont placés sur la bière, les hommes dans le premier compartiment, les femmes dans le second et les enfants dans le troisième. Attachés avec des liens de fer, ils sont, d'après les principes de leur religion, abandonnés à l'action de l'air. Les oiseaux de proie, qui résident toujours par grandes bandes dans ces endroits, se précipitent avidement sur les corps et dévorent en peu de temps la chair et la peau. Les ossements sont recueillis et jetés dans la fosse. Quand elle est pleine, on abandonne ce lieu de sépulture et on en établit un nouveau. Quelques riches Parsis ont des sépultures particulières, au-dessus desquelles ils font tendre des treillages de fils de fer pour empêcher les morts de leur famille d'être déchirés par les oiseaux de proie. Personne, à l'exception des prêtres, qui portent le corps dans les lieux de sépulture, ne peut y pénétrer. On en ferme même la porte en toute hâte, car y jeter seulement un regard serait déjà un crime. Les prêtres, ou plutôt les porteurs, sont considérés comme si impurs qu'exclus du reste de la société, ils constituent une caste à part. Celui qui a le malheur de toucher en passant un tel homme est obligé de détruire aussitôt ses habits et d'aller se baigner. Les Parsis ne sont pas moins scrupuleux pour admettre les étrangers dans leur temple. À moins de partager leurs croyances, on ne peut les visiter ni même les examiner à l'extérieur. Ces temples que je ne puis voir ici qu'au dehors sont très petits, simples et n'attirent pas l'attention par une architecture particulière. La ronde galerie est entourée d'un vestibule ceint d'un mur. On ne peut approcher que jusqu'au passage qui conduit du mur au vestibule. Le plus beau temple de Bombay est un édifice très insignifiant. À cette occasion, il me faut encore contredire les voyageurs qui font les plus pompeuses descriptions des beaux temples des adorateurs du feu. Note. Cependant, c'est à Bombay que se trouve le principal siège des adorateurs du feu. Fin de note. Selon l'assurance que m'en a donnée M. Manoukji, le feu brûle dans une espèce de vase de fer, dans un temple ou un appartement tout à fait vide et dépourvu de tout ornement. Les Parsis prétendent que le feu qui brûle dans le principal temple, qui, à ce qu'ils disent, a servi à allumer tous les autres, provient de celui que leur prophète Zoroastre a allumé en Perse, il y a 4000 ans. Quand ils furent chassés de Perse, ils emportèrent ce feu sacré. On ne l'entretient pas seulement à l'aide de bois à brûler ordinaire, mais on y mêle aussi des bois précieux, tels que le bois de santal, le bois de rose et autres. Les prêtres sont appelés mages. Il y en a un assez grand nombre d'attachés à chaque temple. Pour le costume, ils ne se distinguent des autres Parsis que par un turban blanc. Il leur est permis de se marier. Les femmes visitent ordinairement les temples à d'autres heures que les hommes. Il ne leur est pas précisément défendu d'y aller avec eux, mais elles ne le font jamais et ne s'y rendent d'ailleurs que très rarement. Un pieux Parsi doit prier chaque jour 4 fois. Et chaque fois pendant 1 heure. Mais pour cela, il n'a pas besoin de visiter le temple. Il contemple le feu, la terre ou l'eau, ou bien il regarde dans l'air. Celui à qui 4 heures de prière chaque jour paraissent trop longues s'entend avec les prêtres. Ils sont bons et humains, comme les prêtres d'autres religions, et dispensent volontiers de ces graves soucis les malades et les affligés en échange de dons charitables. Les Parsis aiment à faire leur prière le matin en face du soleil qu'ils adorent surtout comme le feu le plus grand et le plus sacré. Le culte du feu est poussé chez eux au point qu'ils n'exercent pas les métiers dans lesquelles le feu est indispensable, qu'ils ne font qu'un usage d'armes à feu et qu'ils n'éteignent pas la lumière. Quant au feu de la cuisine, ils le laissent s'éteindre tout seul. Bien des voyageurs prétendent même qu'ils n'arrêtent pas les incendies. Mais il n'en est pas ainsi. On m'assura que dans un grand incendie qui éclata il y a quelques années à Bombay, on avait vu plusieurs Parsis occupés à éteindre le feu. Monsieur Manoukji eut la bonté de m'inviter à venir chez lui pour que j'apprisse à connaître la vie de famille des Parsis. Et il m'introduisit aussi chez plusieurs de ses amis. Je trouvai les chambres disposées à l'européenne, munies de chaises, de tables, de canapés, de lits, de tableaux, de glaces, etc. Le costume des femmes différait peu de celui des riches hindous. Seulement, il était plus décent, car il ne se composait pas de mousseline transparente, mais d'étoffes de soie. De plus, elles portaient des pantalons. Ces étoffes de soie étaient richement brodées d'or, luxe qui s'étendait jusqu'aux enfants de 3 ans. Ceux qui étaient au-dessous de cet âge, ainsi que les nouveau-nés, étaient enveloppés dans de simples étoffes de soie. Les enfants portaient tous de petits bonnets brodés d'or et d'argent. Une femme parsi ne peut pas plus que la femme hindoue se passer de parures d'or, de perles et de pierreries. Elles en portent déjà beaucoup chez elles, mais dans les visites, dans les cérémonies, dans les solennités, la parure d'une dame riche dépasse souvent la valeur de 100 000 roupies. Des enfants de 7 à 8 mois portent déjà des bagues et des bracelets avec des pierres fines ou perles. Le costume des hommes consiste en un large pantalon, en une chemise et un long caftan. Leurs chemises et leurs pantalons sont souvent en soie blanche, les cafetans en percale blanche. Le turban diffère beaucoup de celui des mahométans. C'est un bonnet en coton de 25 à 30 cm de haut, recouvert d'une étoffe de couleur ou de toile cirée. Les hommes et les femmes portent à la ceinture, par-dessus la chemise, un cordon noué en double qu'ils détachent pendant la prière et qu'ils tiennent à la main. Autrement, ce cordon doit toujours rester autour du corps. Sur ce point, la loi est si sévère que celui qui ne le porterait pas serait exclu de la communauté. Aucun traité, aucune affaire n'est valable si le cordon n'y figure pas. On l'attache autour du corps des enfants arrivés à l'âge de 9 ans. Avant cette cérémonie, ils ne font pas partie de la communauté. Jusque-là, il leur est même permis de manger des mets préparés par des chrétiens, et les petites filles peuvent accompagner leur père dans des endroits publics. Mais en se revêtant du cordon, tout change. Le fils mange à la table de son père, les filles restent chez elles, etc. Une autre pièce religieuse est la chemise. Elle doit avoir une certaine longueur et une certaine largeur, se composer de 9 coutures, et d'être croisée d'une manière particulière sur la poitrine. Le Parsi ne peut prendre qu'une femme. Cependant, si, dans un intervalle de 9 ans, elle ne lui donne pas d'enfant ou ne lui donne que des filles, il peut, de concert avec sa femme, se séparer d'elle et contracter une nouvelle alliance. Mais il faut qu'il prenne soin de sa première femme. Celle-ci peut également se remarier. D'après ses idées religieuses, le Parsi ne peut compter que sur une vraie félicité dans l'autre vie qu'autant qu'il a eu en ce monde une femme et un fils. Les Parsis ne sont pas divisés en castes. Dans le cours du temps, les Parsis ont adopté plusieurs coutumes des hindous. C'est ainsi que les femmes ne peuvent pas se montrer dans des endroits publics. Elles vivent dans la maison, séparées des hommes, mangent seules et sont généralement regardées et traitées plutôt comme des choses que comme des personnes. Les filles sont promises dès l'enfance et mariées à l'âge de 14 ans. Mais le fiancé vient-il à mourir, les parents peuvent se mettre en quête d'un autre gendre. Chez les Parsis, c'est également une honte pour un père de ne pas trouver de mari pour ses filles. Mais chez elles, les femmes des Parsis jouissent de beaucoup plus de liberté que les pauvres hindous. Elles peuvent rester assises sans voile aux fenêtres qui donnent sur la rue. Elles peuvent même assister, la figure découverte, à une visite faite par un homme à leur mari. Cependant, cela arrive rarement. Les Parsis se distinguent facilement de tous les autres Asiatiques par leur physionomie, surtout par leur teint qui est plus blanc. Leurs traits sont assez réguliers, cependant un peu forts, et les mâchoires un peu larges. Je ne les trouvais pas aussi beaux que les Mahométans et les Hindous. Monsieur Manoukji fait une exception parmi ses compatriotes. Il est sans doute le premier qui ait visité Paris, Londres et une grande partie de l'Italie. Les coutumes et les mœurs européennes lui plurent tellement qu'à son retour, il essaya d'introduire quelques réformes parmi ses coreligionnaires. Mais il n'en fut pas seulement pour ses peines. On l'accusa de ne pas savoir ce qu'il voulait et beaucoup de personnes lui retirèrent leur amitié et leur estime. Dans son intérieur, il permit à sa famille de prendre une allure plus libre. Mais à vrai dire, il ne put pas trop s'affranchir du joug de l'habitude, à moins de vouloir se brouiller complètement avec sa secte. Il fait élever ses filles à l'européenne. L'aînée joue un peu de piano. Elle coud et elle brode. Elle m'écrivit assez gentiment sur un album un petit morceau en anglais. Le père ne l'a pas non plus promise. Il désire que le goût de sa fille puisse s'accorder avec son propre choix. On me disait qu'elle aurait de la peine à trouver un mari parce qu'elle avait reçu une éducation trop européenne, qu'elle avait déjà 14 ans et que le père n'avait pas encore de fiancé pour elle. Quand je fis ma première visite à M. Manoukji, la mère et les filles étaient assises dans la salle de réception et étaient occupées d'ouvrages à la main. J'assistais à leur repas, faveur qu'un Parsi orthodoxe ne m'aurait pas accordée. Mais il ne me fut pas permis de m'asseoir à leur table. On me mit d'abord un couvert séparément et je dînai seule. On me servit plusieurs mets qui, à peu de choses près, étaient préparés à l'européenne. Tous, à l'exception du maître de la maison, me regardaient manger avec un couteau et une fourchette. Les domestiques eux-mêmes furent attirés par ce spectacle. Quand j'eus satisfait mon appétit en présence du public et suivant les règles de l'art, on nettoya la table et tout autour aussi soigneusement que si j'avais été pestiférée. Ensuite, on apporta des pains plats que l'on posa en guise d'assiette sur la table, qui n'avait point de nappe, et 6 ou 7 petits plats avec les mêmes mets qu'on m'avait offerts. La famille se lava les mains et la figure, et le père prononça une courte prière. Tous, à l'exception du plus jeune des enfants, qui ne comptait que 6 ans, s'assirent à table et mirent la main droite dans les différents plats. Ils déchiquetaient la viande des os de poulet et de mouton, détachaient le poisson par morceaux des arêtes, les passaient ensuite dans les diverses sauces et les faisaient passer si habilement dans la bouche que la lèvre n'était pas touchée par la main. Celui à qui cela arriverait par mégarde doit se lever aussitôt et se laver de nouveau la main, ou bien il faut qu'il prenne devant lui le plat dans lequel il met la main sans l'avoir lavé et il ne peut plus toucher à aucun autre mets. Pendant tout le repas, la main gauche reste complètement en repos. Cette manière de manger paraît, il est vrai, très peu appétissante. Mais au fond, elle n'a rien de choquant. La main est lavée et ne touche à rien en dehors des mets. Lorsqu'on veut boire, on ne porte pas le vase aux lèvres, mais on se verse très artistement la boisson dans la bouche largement ouverte. Avant que les enfants aient acquis cette adresse à manger et à boire, il ne leur est pas permis de prendre part au repas des grandes personnes. Quand même, ils porteraient le cordon sacré autour du corps. Ce qu'on boit le plus communément à Bombay, c'est le soud, appelé aussi toddy, espèce de boisson spiritueuse et légère que l'on tire des cocotiers et des dattiers. Les droits prélevés sur ces arbres sont très élevés, car on les compte un à un comme en Égypte et on les impose séparément. Un arbre qui n'est destiné qu'à porter des fruits paye un quart de roupie ou une demi-roupie, tandis que le cocotier, dont on fait le taudis, paye trois quarts de roupie et même une roupie. Ici, les indigènes ne montent pas au palmier au moyen de cordes à nœuds, mais à l'aide d'entailles dans lesquelles ils posent les pieds. Pendant mon séjour à Bombay, il mourut dans le voisinage de M. Wattenbar, une vieille hindoue dont la mort me fournit l'occasion de voir des funérailles indiennes. Déjà, quand elle fut sur le point de mourir, les femmes qui l'entouraient élevèrent de temps en temps d'horribles cris qu'elles continuèrent par intervalles quand elle eut cessé de vivre. Peu à peu, on vit arriver de petits groupes de 6 à 8 femmes qui se mirent également à hurler dès qu'elles aperçurent la maison mortuaire. Elles entrèrent toutes dans la maison, tandis que les hommes, qui étaient venus en grand nombre, s'assirent tranquillement au dehors. Au bout de quelques heures, la morte fut enveloppée d'un drap blanc, posé sur une bière ouverte et porté par des hommes affectés à ce service, à l'endroit où le corps devait être brûlé. Un d'entre eux tenait un vase rempli de charbon et un morceau de bois enflammé pour allumer le bûcher avec le feu de la maison mortuaire. Les femmes restèrent assemblées devant la maison et formèrent un cercle étroit dont le milieu fut occupé par une pleureuse à gages. Cette femme se mit à entonner un chant lugubre de plusieurs strophes. À la fin de chacune d'elles, toutes les autres femmes reprenaient en chœur, en se frappant la poitrine en mesure de la main droite et en inclinant la tête jusqu'à terre. Elles faisaient ces mouvements aussi vite et d'une manière aussi uniforme que si on les avait fait marcher à la baguette comme des marionnettes. Après un quart d'heure, il se fit une courte pause. Puis on entonna un autre chant, pendant lequel les femmes se frappèrent la poitrine des deux poings, avec une telle violence que l'on pouvait entendre au loin les coups qu'elles se donnaient. Après chaque coup, elles élevaient leurs mains bien haut et inclinaient la tête bien bas, tout cela d'une manière cadencée et prompte. Cette représentation fut encore plus comique que la première. Après s'être démenées aussi longuement, elles s'assirent en cercle, burent du taudis et fumèrent du tabac. Le lendemain, les femmes et les hommes répétèrent la visite. Les derniers n'entrèrent pas non plus cette fois dans la maison. Ils firent du feu et préparèrent un simple repas. Toutes les fois qu'arrivait un groupe de femmes, un des hommes approchait de la porte pour l'annoncer. Aussitôt, la femme qui menait le deuil sortait de la maison pour recevoir les nouvelles venues. Elle se jetait à terre devant elle avec tant de véhémence que je croyais qu'elle ne se relèverait plus. Les survenantes se frappaient une fois la poitrine avec le poing et portaient ensuite les mains à la tête. La personne qui conduisait le deuil se levait dans l'intervalle, se jetait impétueusement au cou de chacune des femmes, passait son mouchoir autour de la tête de sa consolatrice et se mettait à hurler avec elle à l'envi. Tous ces mouvements se faisaient également très vite et une douzaine d'embrassements étaient expédiés en un clin d'œil. Après cette réception touchante, les femmes entraient dans la maison et continuaient à hurler de temps en temps. Ce n'est qu'au coucher du soleil qu'un silence complet s'établit et un repas met fin à toute la cérémonie. Les femmes mangèrent dans la maison, les hommes en plein air. Les funérailles et les noces coûtent toujours beaucoup d'argent aux hindous. Les funérailles que je viens de décrire étaient celles d'une femme de la classe pauvre. Cependant, il fallut pendant 2 jours prodiguer le taudis et fournir le repas à un grand nombre de convives. Ajoutez à cela le bûcher, qui coûte encore assez cher, lors même qu'il n'est que de bois ordinaire. Chez les riches, qui brûlent dans ces occasions les bois les plus précieux, un bûcher revient toujours à plus de 1000 roupies. Un jour, je rencontrai le cortège funèbre d'un enfant hindou. Étendu sur un coussin, il était couvert d'un drap blanc, jonché de fleurs belles et fraîches. Un homme le portait sur ses 2 bras avec précaution, comme s'il dormait. Il n'y avait que des hommes dans le cortège. Les hindous n'ont pas de dimanche ni de jour férié fixe dans la semaine. mais ils ont des fêtes périodiques qui durent plusieurs jours. J'en vis célébrer une le 11 avril, le Varouché Paroupou, ou fête du Nouvel An. Ce fut une espèce de farce de carnaval dont le principal divertissement consiste à s'asperger et à se barbouiller les uns les autres de couleurs jaunes, brunes et rouges, et à se peindre les joues et le front des mêmes couleurs. Le tam-tam bruyant ou quelques violons ouvrent le cortège. Ensuite viennent des groupes plus ou moins nombreux et tout le monde se porte d'une maison à l'autre en riant et en chantant. Quelques-uns trouvèrent bien en cette occasion le taudis un peu trop à leur goût, mais cependant pas au point de perdre la tête et de dépasser les bornes de la décence. Les femmes ne prennent pas part à ces processions publiques. Note, dans aucune fête publique, on voit paraître les femmes, si ce n'est celles qui ont abjuré toute pudeur. Fin de note. Mais le soir, hommes et femmes s'assemblent dans les maisons, et dans ces réunions, dit-on, on ne respecte pas toujours assez la décence. Les fêtes des martyrs ne sont plus célébrées avec beaucoup de pompe. Leur temps est passé. Je n'en vis aucune, mais je fus assez heureuse pour voir un martyr qui faisait courir beaucoup de monde. Ce saint homme avait tenu 23 ans sans changer de place, un bras tourné en l'air et la paume de la main assez ouverte pour qu'un pot de fleurs pût y rester. Les 23 ans étaient écoulés et le pot de fleurs fut enlevé. Mais la main et le bras ne purent plus changer de position car les muscles s'étaient contractés. Le bras s'était amaigri, presque décharné et dégoûtant à voir. L'île Elephanta est à 6 ou 8 000 marins de Bombay. Monsieur Wattenbach eut la complaisance de m'y conduire. Je trouvai d'assez hautes montagnes que nous ne gravîmes pas. Nous nous contentâmes de visiter les temples situés tout près du point du débarquement. Le principal temple ressemble au grand Vihara d'Ajunta, à cela près que des deux côtés il est séparé du rocher et qu'il n'y tient que par le haut, par le bas et par le derrière. Dans le sanctuaire se trouve un buste colossal à 3 têtes. Plusieurs croient qu'il représente le Trimurti, c'est-à-dire la trinité hindoue. Une des têtes regarde en face, l'autre de profil à gauche, la troisième de profil à droite. Le buste, y compris la coiffure, a plus de 2,5 mètres. Le long des murs et dans les niches, il y a beaucoup de statues et de figures colossales et parfois des scènes entières de la théogonie hindoue. Ce qu'il y a de remarquable dans les figures de femmes, c'est qu'elles ont toutes la hanche gauche en dehors et la hanche droite en dedans. Les colonnes sont massives et cannelées. Je ne vis nulle part de relief. Le temple semble être consacré à Shiva. Près de ce temple, il y en a un autre plus petit dont les murs sont également couverts de divinités. Tous deux ont beaucoup souffert. En faisant la conquête de l'île de Bombay, les Portugais, emportés par un noble zèle pour leur religion, n'eurent rien de plus pressé que de braquer le canon et de détruire les abominables temples des païens, ce qui leur fut bien plus facile que de convertir les peuples idolâtres. Plusieurs colonnes sont tout à fait en ruine, presque toutes sont plus ou moins endommagées. Le sol est couvert de décombres. Aucun des dieux et des personnages de leur suite n'a échappé entièrement à ce vandalisme. De la façade du grand temple, on a une magnifique vue, au-delà de la mer, du côté de la ville et des jolies collines qui l'environnent. Nous restâmes ici toute une journée qui se passa très agréablement. Les heures brûlantes du jour, nous les employâmes à lire à l'ombre des temples. Monsieur Wattenbach avait envoyé d'avance plusieurs serviteurs, parmi lesquels se trouvait un cuisinier. Il avait fait transporter aussi des tables, des chaises, de la vaisselle, des livres et des journaux. À mon avis, c'était déjà beaucoup de luxe. Mais qu'auraient dit mes bonnes compatriotes si elles avaient vu la famille anglaise avec laquelle nous nous rencontrâmes ici par hasard. Cette famille traînait à sa suite des lits de repos et des fauteuils, d'énormes tapis, une tente et beaucoup d'autres objets. Voilà ce qu'on peut appeler une simple partie de campagne. Salle 7, appelée aussi l'île au tigre, est reliée à Bombay par une courte digue artificielle. La distance depuis le fort de la ville jusqu'au petit village derrière lequel sont situés les temples est de 18 milles que nous fîmes en 3 heures au moyen de chevaux de relais. La route était excellente et unie, aussi la voiture roula-t-elle comme sur une aire à battre le grain. Les beautés naturelles de cette île surpassent de beaucoup celles de Bombay. Ce ne sont pas des collines qu'on trouve ici, mais de superbes chaînes de montagnes, couvertes de bois touffus, du milieu desquelles s'élèvent encore çà et là des pans de rochers tout nus. Les vallées sont plantées de beaux champs de blé et de verts palmiers élancés. L'île ne semble pas très peuplée. Je ne vis que peu de villages et une seule petite ville habitée par les Marathes, aussi misérables et aussi sales que ceux de Kundula. Du petit village où nous quittâmes la voiture, nous eûmes encore 3 000 à faire pour arriver au temple. Le principal temple est le seul qui soit construit dans le style d'un chétiya, mais il est entouré d'un péristyle excessivement élevé aux deux extrémités duquel on voit dans des niches des divinités de 7 mètres de haut. Sur la droite de ce temple se trouve un autre temple contigu qui renferme quelques cellules de prêtres, des emblèmes de divinités et des reliefs. Indépendamment de ces deux temples, il y a encore un grand nombre de bien plus petits creusés dans les roches et qui se prolongent des deux côtés des temples principaux. On en porte le nombre à 100. Tous, à l'exception du principal temple, sont des viharas. Mais la plupart ne sont pas plus grands que des cellules et n'ont rien qui les fasse remarquer. Les temples d'Elephanta et de Salset sont bien inférieurs à ceux d'Ajunta et d'Ellora pour la grandeur, la magnificence et l'architecture, et ne sont vraiment de quelque intérêt que pour ceux qui n'ont pas vu ces derniers. On dit que l'on visite peu les temples pratiqués dans les rochers de Salset parce qu'on y est exposé à beaucoup de dangers. La contrée est infestée non seulement par des tigres, mais aussi par une quantité prodigieuse d'abeilles sauvages qui bourdonnent sans cesse autour des temples et empêchent d'y pénétrer. On doit en outre y rencontrer partout des brigands connus sous le nom de Bills. On prétend que les dangers sont les mêmes à Ajunta et à Ellora. Nous fûmes assez heureux pour n'éprouver aucun de ces malheurs. Plus tard, je poussai même l'audace jusqu'à entreprendre seul quelques courses au milieu des rochers. La vue superficielle d'un temple ne m'ayant pas suffi, je profitai de la sieste de mes compagnons pour grimper secrètement de rocher en rocher jusqu'aux monuments les plus élevés et les plus reculés. Dans un de ces temples, je trouvai la peau et les cornes d'une chèvre dévorée, spectacle qui ne laissa pas de faire quelque impression sur moi. Mais comptant sur la sauvagerie bien connue des tigres, qui en plein jour fuit plutôt l'homme qu'il n'ose l'aborder, je continuai bravement mes explorations. Nous n'eûmes, comme je viens de le dire, aucun danger à court. Il n'en fut pas de même de deux voyageurs qui, quelques jours plus tard, faillirent non pas être dévorés par les tigres, mais périrent sous les piqûres des abeilles. L'un d'eux eut l'imprudence de frapper à une ouverture du rocher. Il en sortit soudain un énorme essaim d'abeilles et ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que les deux infortunés parvinrent à leur échapper, la tête, la figure et les mains abîmées. Cette aventure fut publiée dans les journaux pour prémunir d'autres voyageurs. Le climat de Bombay est plus sain que celui de Calcutta et quoique Bombay soit situé à 5 degrés plus au sud, la chaleur y est plus supportable grâce à de constantes brises de mer. On y est tourmenté par les moustiques, comme dans tous les autres pays de la zone torride. Un soir, il se glissa même une scolopendre aux 1000 pieds dans ma chambre à coucher, mais je fus assez heureuse pour m'en apercevoir à temps. J'étais décidée à me servir d'une barque arabe qui devait partir le 2 avril pour Bassora, quand M. Wattenbach vint me prévenir que le 10, un petit vapeur, allait faire le premier voyage de Bassora. J'en fus enchantée, mais j'étais loin de m'imaginer qu'il en serait de ce vapeur comme des voiliers, dont le départ est remis de jour en jour. Ce ne fut que le 23 avril que nous sortîmes du port de Bombay. Fin du 16e chapitre.